On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. On the rocks. All right. All right. All right. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu de On the Rocks comme tous les lundis soirs, ou presque, quand c'est les vacances et qu'on mange beaucoup, on n'est pas là, mais sinon on est là, 19h30, 21h30, 96.2 Radio Arc-en-Ciel, www.ontherocks.net et en rediffusion à ZEF, sur ZEF à Blois. C'est ce soir la rentrée d'On the Rocks, on est en 2020, ça fait 20-20 et pour célébrer ça, eh bien, comme de coutume, j'ai le grand Mathieu Dufaux avec moi ce soir, bonsoir monsieur. Bonsoir Manu. Je rappelle que tu es programmateur de la salle qui s'appelle l'Astrolabe à Orléans. C'est ça. Et que ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Et voilà, et que ça fait toujours plaisir de t'accueillir ici pour passer les musiques qu'on va pouvoir entendre pendant le semestre à venir. Et je dois dire, et je te l'ai dit en antenne, que ce semestre de l'Astrolabe qui va venir me fait saliver à l'avance. On va décortiquer ça un petit peu. Est-ce qu'il te fait saliver toi-même? Ouais, il me fait saliver. Il est, y a des grands groupes que j'aime beaucoup et qui sont déjà venus à l'Astrolabe et qu'on retrouve avec plaisir. Il y en a d'autres, c'est la première fois et j'ai bien hâte. Et qui sont grands aussi. Ouais, il y a des clubs qui sont assez excitants aussi. Il y a des clubs qui sont excitants. Alors, pour les gens qui viennent d'arriver à Orléans, je leur explique. Alors oui, alors le club étant la petite salle, ce n'est pas des soirées. Non, ce sont des soirées musicales ou des soirées performances, ça dépend. Et en l'occurrence, il y a une salle de 220 places, rappelons-le, et puis une salle de 570. Et quand on parle de club, c'est la petite salle, en fait, donc, dans laquelle on fait de la découverte, des niches aussi, musicales qui se contentent ou qui sont sur des créneaux assez spécifiques et qui attirent, 200, 150 personnes, quoi. Et parfois, les artistes commencent dans le club et quelques années ou quelques mois même plus tard, paf, dans la grande salle, c'est ce qui va arriver à une dame, qui est passée il y a quelques temps dans, on en parlera, mais c'est Michel David. Ouais, c'est ça. On l'avait découvert dans le club, effectivement, c'était il y a à peine un an, du moins un an à peu près, au moment où elle passera au mois de mars, ça fera un an. Elle était venue sans les cuivres, elle était venue en petite formation, c'était plutôt bien. C'était vachement bien. Très très grande voix, cette dame, une pêche, une tonicité, et puis des très bons musiciens derrière. Des cheveux. Il lui est arrivé, elle a sorti un nouvel album, elle va le sortir, pardon. On le passe en grande salle parce qu'il y avait du monde qui était dehors lors de sa venue en club, donc on n'a pas pu faire entrer tout le monde. Et puis également, on a insisté, l'idée c'est de l'avoir avec son groupe au complet. Donc les trois cuivres seront de la partie en grande salle. Aïe, parce que je ne pourrais pas être là ce soir-là et je m'en mords déjà les roubignoles. Vous êtes donc dans On the Rocks. Je crois que tu pourras avoir en différé peut-être le concert si elle nous l'accorde, puisque notre ami Romain est assez volontaire pour la refaire une seconde fois. Ouais, il l'avait déjà filmé lors du premier passage et c'est vrai que moi c'est un de mes meilleurs souvenirs de ces dernières années à l'Astrolabe. On va décortiquer tout ça dans On the Rocks, mais d'abord le coup de cœur de la semaine, et le coup de cœur m'est arrivé hier soir par Pigeon Voyageur. Vraiment, alors que j'avais bouclé l'émission, j'avais déjà un autre coup de cœur et paf, il m'est arrivé dans la boîte mail. J'étais obligé de revoir mes plans puisque c'était un petit groupe qui débute et que toi tu as vu encore plus débuter alors qu'ils étaient ravagés par l'acné, hein, souviens-toi, tu les as connus de près, c'est les Sokoï Fever. Ouais, qui jouent dans pas très longtemps en l'air. Exactement, au 108, on en reparlera, et ils sortent donc un hippie et qui est vraiment vraiment très très bien. Alors Sylvain, que vous connaissez bien, qui va revenir ici au mois de février pour une nouvelle battle, était un petit peu c'est des vieux morceaux, tout ça, c'est des fonds de tiroir. Bah franchement, ils le font toujours très très bien et de mieux en mieux, je trouve, toujours été très bon en concert, et sur disque, vraiment, là, je suis de plus en plus bluffé. Écoute, j'avais entendu parler de cette formation. Formation, ouais, ça fait quelques années. Et puis non, mais j'avais entendu parler de un manager déplorable au départ. C'est ça. J'ai tenté d'être manager. J'ai tenté. C'est un peu tombé leur début de carrière. J'étais plus ami que manager. Et j'ai croisé Samuel il y a quelques temps avant les vacances là, qui me parlait de ce EP où ils allaient puiser dans les fonds de tiroir comme tu disais, et puis ils ont cette capacité là que d'autres groupes ont, hein, bien évidemment, mais il y a des morceaux qui peuvent durer depuis 15 ans qui vont jouer, à certains moments ils vont arrêter, puis ils vont essayer de les reprendre parce que ça fait longtemps effectivement qu'ils font de la musique, ils les réarrangent, ils les retravaillent avec tout le groupe, et puis sous la main de maître de Monsieur Trémaux quand même, et ils accordent une seconde vie à certains morceaux, donc j'ai hâte de découvrir là le Pecta entre les mains. Eh ben écoute, ça va te faire plaisir je pense, parce que moi j'ai pris un grand plaisir à écouter ça. On va se passer ce morceau donc avec un solo d'orgue et une montée en puissance au milieu, vraiment génial. Et ben on en reparlera avec Sylvain lorsqu'il posera ses fesses et son postérieur en face de moi dans ses studios. Ça s'appelle donc Part-Time Job, c'est les Sokol Fever. Vieux morceau, mais alors vraiment je crois qu'il date du premier album celui-là, si je me souviens bien. Ah oui, donc c'était un autre siècle. On l'écoutait en franc. Bon, bah, c'est parti. Sokol Fever, c'est une nouveauté, une fausse nouveauté. Quelle bande d'escrocs. Ça s'appelle Part-Time Job et c'est quand même vraiment le coup de cœur ce soir dans The Rocks. Yeah. Quand Samuel ne danse pas sur les scènes de New York avec James Thierry et quand Sylvain ne dit pas des bêtises à ses micros, eh bien ils font les Sokoï Fever et ils ont raison puisque c'était part-time job, bien dépoussiéré ce fond de tiroir. Ouais, c'est bien. On n'a pas les mêmes fonds de tiroir. Moi c'est un peu plus le bazar. Et puisqu'on était dans le Czech Money Maker, eh ben c'était Lee Van Helm Band, le regretté Lee Van Helm qui était le batteur de The Band, groupe qui accompagnait Bob Dylan dans les années 60 avec à la voix Chris Robinson des Black Crowes qui sur ce morceau jouait Rod Stewart un peu sur les bords. Et voilà, c'était cette petite reprise sympathique de Check Your Money Maker, un classique du boogie blues. Voilà, pour bien commencer l'année, je n'ai même pas présenté mes vœux à Mathieu Dufault qui est assis ici même. Je pourrais lui souhaiter une bonne décennie à venir. Bonne année. Et justement, puisqu'on parle de décennies, tiens, avant de décortiquer un peu le programme de l'Astrolabe que tu nous as concocté pour ce début d'année 2020, je vais me poser une question à tes oreilles, une fois n'est pas coutume, puisque j'ai l'impression, alors peut-être tu vas me contredire, toi le professionnel, que musicalement, je me disais qu'il s'était pas passé de grandes révolutions sur les 20 dernières années. Si on prend les années 50 et les années 60, il y a déjà une énorme différence entre les deux. Des années 60 à 70 aussi, avec plein de courants musicaux et des révolutions, en veux-tu en voilà. 70-80 aussi, 80-90 aussi. Et là, j'ai l'impression que depuis 2000, 2010-2020... Il y a des choses magnifiques qui sont sorties, mais pas de révolution, non? Révolution, je sais pas si on peut parler de passer de révolution, mais il y a eu quand même la musique électronique, elle est née dans les années 70, certes, mais l'avènement s'est plus passé dans les à la fin du 20e et au début du 21e actuellement. Ouais, fin de 20e déjà quand même. Ouais, ouais, et ça a continué le hip-hop qu'on a connu qui existe depuis longtemps est en train d'exploser actuellement sur le territoire francophone et sûrement sur d'autres territoires. C'est pas des révolutions, mais c'est des tendances qui sont assez fortes quand même. Alors, comme toute mise en avant et comme tout courant qui, comme à l'époque le rock, où il y a eu un moment les White Stripes qui ont donné naissance à plein de choses comme ça. Et même si le rock existait bien avant, rassurez-vous. Là-dessus, il y a une espèce de création qui est plus exacerbée sur ces courants-là. Alors il y a de tout par définition. Dans le hip-hop actuellement, il y a des choses vraiment intéressantes. Il y a des gens qui se mettent à la musique parce qu'ils ont l'accès à cette musique-là est plus simple et puis il y a plus de visibilité, donc ça donne envie à plus de personnes d'en faire, etc. Et c'est plutôt un moment qui s'amplifie là. C'est un moment qui s'amplifie, mais c'est plutôt, je trouve que c'est un moment qui est quel que soit, même si on aime ou pas le hip-hop, je trouve que c'est un moment qui est toujours intéressant à vivre et à observer parce que ça donne aussi l'envie à des gens de mettre la main à la musique et à l'ordi et puis de se dire il y a une visibilité impressionnante, pourquoi pas moi quoi. Et donc ça permet un aussi un peu ce qui se passait avec les punks en 77. Ouais, mais c'est ça. Je sais pas jouer mais je peux y aller. Ouais, c'est ça. Et puis et parmi tous ces punks ou parmi tous ces rappeurs là, il y a quand même plein de choses d'intéressant. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a une révolution? Peut-être pas. En tout cas, notre point de vue, peut-être que chez les gens de 20 ans, il y a peut-être des révolutions qu'on maîtrise pas ou qu'on, c'est pas les mêmes. Je pense que les révolutions, elles se vivent pas de la même façon selon l'âge que t'as. Faut aussi avoir ce regard-là aussi. Ouais. Moi j'ai l'impression que par contre il y a tout un tas. S'il n'y a pas de révolution, il y a la création, mais ça c'est une vérité de la palisse. Ouais. Mais il y a des choses tout aussi excitantes. Il n'y a jamais de décennies ou d'années où il n'y a pas des choses intéressantes. Ça se renouvelle. Alors on est forcément plus, comme toi, attentif à certains courants musicaux que d'autres. Moi, j'essaye d'ouvrir le maximum parce que, de par le boulot que je fais, c'est un peu ton métier en fait. L'idée, c'est pas qu'il y ait ma discothèque sur la programmation de l'Astrolabe, donc. Merci, vous imaginez. non, mais moi, on a aussi eu. Je trouve qu'il y a plus de. Alors c'est pas des révolutions comme tu disais, c'est vrai que c'est toujours pas le cas, mais il y a plus de musique qui vont chercher des registres africains mélangés avec des grooves et ça se mélange. Il y a plus de visibilité en tout cas sur nos territoires. Il y a plus d'export de musique africaine en tout cas en dehors des sacro-saints musique africaine ou de piliers de la musique africaine. Je prends l'exemple de Cococo qu'on a pu accueillir. Tous ces groupes-là existaient avant qu'ils puissent être mis en en lumière, mais voilà. Et on les voit davantage sur nos territoires, on les voit davantage en Europe. Donc il y a aussi la possibilité à ces groupes de se faire connaître en dehors de leurs frontières, c'est plutôt chouette. Ouais. Donc ça enrichit aussi les propositions qu'on peut faire et puis la musique qui nous vient aux oreilles, quoi. Alors, je pourrais te poser la question facile de dire quel est ton moment préféré de l'année qui vient de s'écouler à l'Astrolabe, mais ça serait trop simple vu l'état de tes neurones, donc je vais jouer un peu plus serré. Quel est le moment préféré à l'Astrolabe de ces 10 dernières années? Une décennie se clôt. Le moment préféré, un moi moment, je... celui qui vient tout de ouais, suite. C'est, moi je pense que c'est... C'est assez dur. Moi, il y a la jungle qui m'a marqué, alors qui m'a marqué, qui est à l'Astrolabe et au Pop-Up, qui est un groupe, un duo guitare batterie que j'écoute depuis 4-5 ans là. Ils sont à leur troisième album. Ils commencent à vraiment retourner la France en large et en travers. Avant, ils le faisaient tout seuls comme des grands avec leur copain Julien de Bruxelles qui bookait les dates. Là, ils ont trouvé un tourneur français. Un espèce de Battles des temps modernes, mais ils sont deux, ils sont guitare batterie avec des machines. Ça va du matrock à la musique électronique. Quand on leur parle de style, ils aiment pas aussi cataloguer leur musique là-dedans. Moi, c'est prenant du début jusqu'à la fin. Ça fait 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois que je les vois là. Et y a un truc qui s'est passé. Coco aussi, quand j'ai découvert cette musique-là, j'ai bien aimé l'énergie, j'ai bien aimé le mélange entre des bruits qui est un musicien, un producteur français qui habite à Bruxelles maintenant et tous les Congolais qui composent le groupe. Ils ont réussi une très très bonne alchimie, ils sont beaux à voir sur scène et puis il y a un groove démoniaque vraiment. Donc voilà, il y en aura d'autres, hein, il y en a d'autres. Après, j'ai besoin d'avoir souvent des listes parce que j'ai l'impression d'oublier plein de trucs. Parce que là, je voyais tous les best-of de 2019 ou les best-of de la décennie. Alors moi, je suis pas du tout best-of, c'est vraiment un truc qui me... j'aime pas faire. Et puis je me suis prêté au jeu de quelqu'un qui parlait d'albums qui lui avaient plu mais sans les classifier en fait par ordre chronologique, quoi. Et c'est vrai que il faudrait vraiment que j'ai devant moi tout ce que j'ai vu pour pouvoir les parce qu'il y a j'oublie des choses fatalement. Oui, t'en vois pas mal aussi en même temps. Ouais, un groupe qui m'a marqué aussi que j'ai pas vu à Au Pop-Up parce que j'ai pas pu les voir, j'avais pas le temps, mais qu'on a fait à Au Pop-Up, c'est Squid et leur maxi, leur deuxième maxi qui a été une révélation pour moi. Vraiment, c'est un truc qui m'a plutôt scotché. Des groupes de rock pas mal aussi, Psychotic Monks, jeune groupe français qu'on a fait deux fois et qui sont en train d'exploser sur scène, des espèces de groupes rock psyché assez impressionnants. Voilà. Ah, c'est pas mal déjà. Ouais, ouais. Alors, peut-être que les meilleurs moments de la décennie à venir vont peut-être être dans le premier semestre de l'Astrolabe, on sait pas. C'est possible. Ouais. Il y a des belles choses qui arrivent sur ce semestre, vraiment. Je l'ai dit au début et je le redis. Ça fait saliver. Alors il y a un groupe qui vient à l'Astrolabe. Le chanteur était déjà venu plusieurs fois, belge, chanteur de Balthazar. Ouais. Avec Warhouse. Avec Warhouse, il était venu. Mais je crois que Balthazar ne sont jamais venus. Non. Non. Ils ont pourtant fait deux albums et puis troisième qui vient de sortir là. Rats, le premier que j'avais découvert, que j'avais trouvé très très bon. Super. Avec toujours cette qualité, du moins, de mélodie, cette voix. Il y a un truc qui se passe chez eux que j'aime beaucoup. Et puis, Warhouse, c'était bien de les avoir dans le club de l'Astro. Super chouette. Et je suis bien content en fait de les accueillir pour une première fois sur cet album-là. Ça sera le 22 janvier. Ouais, c'est dans peu de temps. Évidemment dans la grande salle. Ouais. Les gens viendront nombreux, donc pour les amateurs amatrices là. Faut pas trop tarder à prendre ses places. Pas trop tarder à prendre ses places. Pour info. Le dernier album est sorti l'année dernière. Il faisait partie des meilleurs albums de l'année. Ils ont décidé de faire un peu plus danser sur cet album. C'est un petit peu plus chaloupé, on va dire, que sur l'album précédent qui était un petit peu plus rock. Très bon album. Je dirais pas que tous les morceaux sont extraordinaires, mais il y a des morceaux extraordinaires. Le premier Fever est incroyable. Super. C'est un morceau incroyable. Ouais. Nous, on va se passer le morceau Wrong Vibration qui est un peu le tube, hein, de cet album, qui tourne un petit peu partout. Je les ai vus, moi. Je suis assez curieux d'aller les voir à l'Astro. J'y serai. Je les ai vus sur la scène de Rock en Seine cette année, où je les ai trouvés perdus sur cette grande scène, bien perdus. alors musicalement ça tenait la route, mais la scène est immense. C'était sur la grande scène où Cure allait jouer juste après. Et franchement, c'était un peu trop grand pour eux, à mon avis. Donc je suis assez pressé de les voir dans une salle à taille humaine. Moi, j'ai vu sur une moins grande scène, mais quand même assez grande, au Check-in Party, tu sais, le festival qui s'est créé en Aguerré, première édition, où il y avait Patti Smith et puis Balthazar, Falls et consorts. La scène était moins grande. Les gens étaient venus en masse pour eux, vraiment, jusqu'à la console façade, c'était full. Donc c'était plus, il y avait plus de promiscuité que les grandes scènes de rock en scène. Et, alors, j'ai pas vu tout le concert en entier, ce que j'ai bien aimé. Ils sont assurés. Moi, je découvrais les morceaux, en fait, du nouvel album en direct, parce que j'avais pas pris le temps, en fait, de l'écouter régulièrement. Et, ouais, c'était plutôt bien, ouais. Et donc il y aura, si tout se passe bien et si c'est accepté, une interview pour On The Rocks et pour l'Astrolabe dans filmé avec Astro Micro. Super. Avec Romain, on essaie de mettre ça sur pied, on vous tient au courant et ce serait pas mal pour le Est-ce retour que d'Astro Micro. Tu avais déjà fait ça sur Waros ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc voilà. Alors je sais pas du tout si, alors ils sont belges, hein, mais français ou non, flamands. Donc faut que je parle anglais. Oui. Alors lui, j'ai vu qui c'est, le chanteur, le blond, un des deux chanteurs là, celui qui a la, ouais, voilà. Lui, je l'ai vu s'exprimer en français sur scène, notamment à Guéret là, parce que j'ai regardé un live que Sourde Oreille avait capté en fait. Et donc je sais pas s'il parle régulièrement français, mais sinon anglais. La plupart des Flamands parlent pas beaucoup français. Parce que s'il faut que je le fasse en flamand, là, par contre, ça se complique. Voilà. Bah tu as 15 jours devant toi. D'accord. C'est parti. Ça s'appelle Wrong Vibration. C'est tiré du dernier album de Balthazar, qui seront en concert donc à l'Astrolabe. Ce sera le 22 janvier prochain. C'est un mercredi soir et ce sera dans la grande salle. Something good. But cutting out the heart is what you do. Yeah. Don't let your morality affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my love. Yourself a break. Find out what's your favorite mistake. Yeah. Don't let your integrity affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my dear. The wrong vibration. I get the wrong vibration. I wonder you'll make something out of me. According to the law of infinite probability. Woo! Don't let your morality affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my love. I get the wrong vibration. I get the wrong vibration. The wrong vibration. Can't you feel it? Oh, it's dying, girl. I get the wrong vibration. C'était Balthazar, les Belges de Balthazar avec Wrong Vibration. Ils seront donc en concert à l'Astrolabe. C'est bientôt, ça va venir vite. Ça sera le 22 janvier. Il reste des places. Ouais. Alors, plein de belles choses. On a parlé d'elle tout à l'heure, on va quand même en redire deux mots. C'est Michelle David and the Gospel Sessions. Elle est comparée à Sharon Jones un petit peu dans la plaquette de l'Astro. C'est vrai qu'il y a de ça, à la différence près que Sharon Jones jouait avec des musiciens black derrière qui étaient tous soul à mort. Pas tous. Non. Ah oui, Daptons, oui, il y avait... Non, les Daptons Recons, il y avait notamment le bassiste, l'instigateur de ce groove-là, etc. C'était pas un black, pour le coup. Oui, c'est vrai, exact. C'était un peu le leader de Daptones, du coup. Donc, c'était mixte. Alors, elle, sur le... Alors, je sais pas avec les cuivres, mais la dernière fois où elle est passée, il y avait ça d'intéressant que elle a vraiment la voix qui peut se rapprocher parfois de celle d'Aretha Franklin. C'est pas très loin, quand même. Ouais, hein. Ouais. Et je vous garantis, allez voir sur scène, là, je vous raconte pas de crack. Alors, c'est pas Aretha, évidemment, mais ça s'en rapproche. Et puis, derrière, il y avait ces deux musiciens blancs, norvégiens. Non. Non, ils sont hollandais. Hollandais, qui jouaient tantôt très très soul et tantôt presque rockab. Mmh. C'était un mélange des deux, presque bougalou aussi par certains moments, et ça se marie vraiment magnifiquement. Alors là, il y a les cuivres qui vont venir saupoudrer un peu tout ça, quoi. En fait, tout le groupe est hollandais, pour la petite histoire. Elle est américaine, mais elle habite en Hollande depuis quelques années. Et voilà, elle débarque en France depuis 3-4 ans, et elle est en train de sillonner à peu près toute la France, et à chaque fois, ça marque tout le public, en tout cas, et ça fonctionne très très bien, comme tu me dis. Moi, on en a fait pas mal, des groupes de soul à l'Astro. Ça fait partie des groupes avec Sharon Jones qui m'ont le plus marqué, en fait. Je suis d'accord. Sur plein de propos différents, c'est-à-dire la qualité de sa voix, la musique qui l'accompagne. Parfois, il y a des groupes de soul où t'as vraiment un personnage, où t'as une voix, et puis derrière, ça joue mécaniquement. Ça joue, voilà. Voilà. Au service. Voilà. Et on en a fait sur un trimestre, on avait trois groupes. On avait fait Michelle David. On avait fait dans la grande salle Sugarman Leafields, pardon. Leafields, ouais. Et puis un autre groupe qu'on avait fait aussi dans le club, dont je me souviens plus du nom. Et moi, j'avais passé un bon moment, mais ouais, ça sortait pas du lot. En tout cas, voilà, c'était là, il y avait une vraie personnalité, une vraie singularité. Elle a une capacité vocale assez impressionnante et elle est ultra bien accompagnée, quoi. Et ça groove, ça, on passe un super moment. Donc avec les cuivres derrière, ça va rajouter un niveau sonore et un niveau. Non, ça va être chouette. Ah, je pense que ça va être très très chouette. Ouais. Donc que ce sera, je n'y serai pas, le vendredi 13 mars. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a des morceaux. C'est-à-dire que parfois, il y a le groove, il y a le son, il y a la voix. Mais les morceaux, voilà, ils sont pas tous top top. Là, il y a une vraie écriture et il y a des vrais morceaux. En particulier, ce Taking It Back, qui est peut-être leur tube sur scène et qui vraiment fait grimper tout le monde de plusieurs centimètres. Un peu en dessous sur album, forcément, il y a pas cette magie qu'il y a sur la scène. Mais déjà, on va se passer la version de l'album. Et si vous prenez votre pied, dites-vous qu'en concert, c'est largement aussi bien, voire meilleur. Michelle David and the Gospel Sessions, c'est vraiment le concert que je vous conseille dans la grande salle. Ce sera le vendredi 13 mars. You've been good to me through all. Michel David et les Gospel Sessions, ce sera donc avec Taking It Back à l'instant, ce sera le vendredi 13 mars et ce sera à l'Astrolabe dans la grande salle. Ouais. Il y a une belle prise aussi dans cette programmation de l'Astrolabe de début d'année 2020. Très belle prise. Je crois que tu en es assez content également. C'est le vendredi 6 mars et c'est les Tinder Sticks. Ouais. Alors là. Ouais, là, eux, ils viennent, s'ils pouvaient venir à chaque album. Moi, les portes sont ouvertes depuis pas mal d'années. C'est la deuxième fois qu'ils passent à l'Astrolabe. C'est chouette. C'est vraiment un super groupe. C'est un très bon compositeur, chanteur. La cerise sur le gâteau, c'est que c'est Thomas Bellum en première partie. Thomas Bellum, c'est quelqu'un qui a participé à trois albums des Tinder Sticks, puisque c'est un batteur, Thomas Bellum, qui joue du clavier, qui joue d'autres choses, qui a fait Amor Bellum duo, qui était avec Naïm Amor, un autre français qui est parti, rejoindre les contrées de Calexico, dans ce coin-là. Donc ça va être à la fois, c'est un plateau naturel parce que c'est des gens qui se connaissent très très bien et qui jouent ensemble soit sur les albums de Tinder Six, soit sur les albums solo du chanteur de Tinder Six, puisqu'il en a fait un ou deux, je crois. Ouais, dans un duo avec Lassa, si je ne m'abuse. Ouais. Et voilà. Et lui, c'est sa voix caractéristique. Alors il change un peu sur ses derniers albums qu'il a enregistrés. Lui, il a passé pas mal de temps dans la Creuse, en fait, puisqu'il avait une maison là-bas, donc il composait en tout cas dans ce coin-là. Et là, sur le dernier album, il y a un ou deux morceaux où t'as des petites touches méditerranéennes sur le. Alors, il chante pas en italien, rassurez-vous. C'est la Méditerranée en hiver quand même. Hein. Ouais, mais sur les instrumentations, oui. Sur les instruments choisis, ça chaloupe un peu. Puis c'est des instruments à cordes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les compos de Tinder Sticks. Il y a un ou deux morceaux que j'ai pas, je connais pas le nom précisément, mais qui est assez voilà. Et puis après le reste, voilà, ça reste du Tinder Sticks, mais c'est plus ouvert que d'habitude. Ouais, c'est peut-être leur album le plus accessible. Mais qui est tout aussi bien. Moi, je prends du plaisir très, très à l'écouter. Ouais. Et puis sur scène, il est très très bien accompagné. Il y a des musiciens qui le suivent depuis des dizaines d'années. Tu passes un très très bon moment. Quoi. Et puis une sacrée voix quand même. Hein. Ouais. Le garçon, il a quand même une voix qui peut rappeler celle d'Aaron Neville dans les trémolos, mais évidemment pas dans les mêmes contrées musicales. On va se passer un extrait du dernier album, le morceau For the Beauty. Je crois que c'est le morceau qui ouvre l'album. Tout l'album est comme ça. Si vous aimez ça, je pense que vous allez avoir la chair de poule lors de ce concert. Et puis on va enchaîner avec autre chose. Moi, je trouve que ça s'enchaîne assez bien. Et ce sera pas un hasard. Alors c'est pas un artiste qui passera à l'Astrolabe. On en reparlera après, mais il y aura un cousinage. Voici donc pour l'instant Tinder Sticks avec For the Beauty. C'est le moment d'allumer les bougies. Got its claws in me. is an aching as still as we walk down the street, but it's the beauty that stops me and brings me to my knees. There was a song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. The king was first a young prince. The prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. king had a queen, the queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree. The garden tree was a stairway, it was 16 branches high. On the top branch was a nest, sing the high cloudy nest. In the nest there was a bird, the bird had a wing. The wing had a feather, spin the feather and sing the wind. Time died, the queen's heart broke like a vow, and the tree returned to the earth with a nest and the bird. But the feather spun upward, upward and upward, spinning all the weather vanes, and you're sitting at the kitchen table listening to the radio. I love you. D'abord eu dans On the Rocks Tindersticks avec For the Beauty, tiré du dernier album. Il sera en concert à l'Astrolabe. Ce sera le vendredi 6 mars. Et puis à l'instant, peut-être l'album le plus émouvant de 2019, en tout cas un des albums les plus émouvants de tous les temps, c'est le dernier album de Nick Cave. Alors pas d'embardé si vous roulez en voiture, Nick Cave ne sera pas en concert à l'Astrolabe dans les semaines qui viennent. Mais il a livré cet album qui est un album à la fois lugubre et lumineux, une conversation avec les morts et en particulier avec un mort. Avec son fils. Avec son fils qui s'est tué accidentellement. Ça fait deux albums que l'art de Nick Cave se résume, résumé est un bien mauvais mot, à une conversation avec son fils défunt. On en est les témoins un petit peu bouleversés de tout ça. C'est toujours magnifique. Le dernier est encore plus éthéré comme ça, l'album de Nick Cave. Tout est comme ça, ce qu'on vient d'entendre. Il s'adresse directement à lui. Ça fout la chair de poule, mais en tout cas, c'est un album magnifique. Alors, Nick Cave ne sera pas en concert à l'Astrolabe, mais si vous aimez Nick Cave et la galaxie Nick Cave, et si vous étiez là au début de Nick Cave, c'est-à-dire Birthday Party, eh bien, il y a un monsieur qui l'a côtoyé de près et de très très près qui passera à l'Astrolabe, c'est Roland S. Howard et je te laisse nous en parler. Ouais, en fait c'est un des lui il est guitariste et il a composé il fait partie du groupe Birthday Party donc comme t'en parlais tout à l'heure à l'instant avec Nick Cave. En fait c'est lui le chanteur Nick Cave et Birthday Party Roland et puis avec d'autres musiciens derrière. Il se trouve que ce jeune homme après il est décédé prématurément et en 2000 il y a 20 ans non, en 2009 il est mort. Ouais, il 50 ans. Il a sorti un album qui est magnifique qui s'appelle Pop Crimes avec une voix assez caractéristique, une ambiance un peu dans les dans ce rock pas à la Nikkev, mais assez ces grands monsieur qui savent composer du rock assez fin avec une très très belle voix. Et ils ont ses potes en fait depuis son décès lui rendent hommage et là tourne avec sa musique mais il est quand même accompagné en l'occurrence par des gens qui font partie des Bad Seeds, notamment Mick Harvey, qui est un des personnages principaux. Qui est vraiment l'alter ego de Nick Cave. Hein, voilà. Donc, Lydia Lunch, qui est une femme de 50 ans, qui a 60 ans, qui a composé la scène un peu underground au moment où tous ces groupes sont explosés. Qui a fait un album de duo avec lui, je crois d'ailleurs. Ouais. Ils ont fait un album ensemble. Complètement. Donc, que des gens qui ont jalonné son parcours. En fait, lui, il a commencé avec ce groupe-là. Il a constitué un nouveau groupe et puis il a eu une petite carrière solo et puis après il a eu effectivement des croisements avec il a croisé les chemins de Nick Cave aussi à certains moments. Nick Cave l'a invité sur des sur certains, il a fait les chœurs sur certains albums, concerts, ouais, et sur certains albums. Donc là on a en face il y a le chanteur de Primal Scream aussi qui sera là pour l'occasion à l'Astro. Bah ouais, pendant cette soirée là Bobby Gillespie. Voilà. Tu es un peu abîmé, Bobby. Non. Ça fait longtemps que je l'ai pas croisé. Je pense qu'il est moins en forme que toi. C'est possible. Bah, c'est voilà. Pour dire. Et puis d'autres artistes. Alors tout n'est pas encore calé. En tout cas, il y a déjà tout le nom des artistes qui vont participer. Donc. Alors attends, je résume. Mick Harvey, Bobby Gillespie. Oui. À l'Astro. Oui. On a bien entendu ça. Ouais. Non, mais le pour les gens qui sont amateurs de toute cette musique-là qu'a composé les Bad Seeds, qu'a composé Nick Cave vraiment a pris la genèse de sa musique avec ce gars-là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux qui sont les pierres angulaires de Birthday Party et c'est comme ça qu'après chacun ont évolué dans leur sphère différente parce que mais se sont nourris l'un l'autre. Ouais. Et il y en a un qui a moins fait gaffe à sa santé, je crois. Donc, oui, il était pas. Voilà. Mais pour le coup, pas l'air très frais comme. Je vous recommande l'album Pop Crimes qui va être joué justement sur ce moment, sur cette soirée-là. On se passe un extrait là. Ça, ouais, l'album est fantastique. Et en fait, c'était suite à son passage, Mick Harvey, il reprend le répertoire de Gainsbourg. Et il est passé de façon vraiment au dernier moment aux Rocomotives. Et il a croisé Richard Gauvin. C'est Richard Gauvin qui est le programmateur des Rocomotives. Donc jusqu'ici, tout va bien. Puis ils ont sympathisé avec à la fois Mick Harvey, qui est quand même une sommité, et puis un très très bon musicien, et puis la personne qui s'en occupe en France. Et ils ont parlé de ce projet-là. Et ce concert-là, il est proposé par Figure Libre également, qui est l'association qui gère les Rocomotives. Donc c'est une coproduction, une coprogrammation. On n'a pas pu le faire à Vendôme parce que toutes les salles sont indisponibles à Vendôme, donc on le fait à l'Astrolabe. Il reste encore des gens qui sont pas encore annoncés. Et alors ça pourrait être qui par exemple? Alors au départ on devait avoir Thurston Moore, mais il sera pas disponible. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'en fait il joue, lui il a son album qu'il a enregistré et qu'il défend sur scène actuellement. Et après on sait pas encore. Donc Mick Harvey, Thurston Moore à l'Astrolabe. Ouais. T'arrêtais bien ça quand c'est même. C'est ça. Donc on croise des gens. Alors certains sont connus, certains sont pas connus, mais on va avoir. Ils se succèdent sur scène. Alors il y a un groupe qui joue, va jouer. Et les gens ça bouge. Et puis il y en a qui vont rester. Après ils ont pas de formule arrêtée. La veille ils seront à l'Astrolabe pour faire une résidence. En mais fait. C'est un one shot. Non, ça va tourner ça. Il y a une date à Rennes, il y a une date à Paris, et après c'est tout. Il y a une date à Londres. Ah ouais. Voilà. Donc à Londres, ils sont beaucoup plus connus puisque ces musiciens-là, certains, notamment Nick Cave, passent beaucoup de temps à Londres, entre l'Australie et Londres. Notre ami Roland S. Howard, il a vécu beaucoup plus longtemps à Londres sur la partie carrière musicale. Et après, il est retourné en Australie. Bon, il y en a plein des musiciens comme ça. Et là, on a la chance en France de les avoir sur trois dates. Joli coup. Ouais, joli coup. Vraiment, vraiment, vraiment, dans la grande salle, avec que des très très bons musiciens, quoi. Donc, on n'a pas forcément la musique qu'ils vont jouer, parce que ça va être joué par ces musiciens et puis d'autres, ça va être interprété par d'autres chanteurs. Il y a déjà eu des concerts qui ont été proposés en Australie, donc si vous fouinez un petit peu sur le net, vous pourrez en trouver. C'est pas de grande qualité sonore. Par contre, commencez par le répertoire de Roland S. Howard, et notamment le dernier album là, qu'il a enregistré juste avant son décès, en fait, 2 mois avant, qui est magnifique, quoi. Donc c'est cet album qui s'appelle Pop Crimes. On va se passer un extrait. Il y a des morceaux un peu plus longs. Celui-là, il est un peu plus court. Shut Me Down. Et puis voilà, si vous connaissez pas ce monsieur, et si vous aimez Nick Cave, et si vous aimez Primal Scream, et voilà, ça vaut le coup quand même d'aller faire un petit tour, parce que là, il y aura quand même du beau monde, du Gotha, du rock de qualité sur la scène de l'Astro. Bravo, Monsieur Dufault. Merci. Voici donc Roland S. Howard dans Shut Me Down. Well, so long, baby, I've had enough. I can't ignore it. I miss you so much. I miss you so much. I miss you so much. I'm standing in a suit as ragged as and I agree what I've become is surely worth the hatred that you spent on me. The stars above me, the night so deep that I could trip or drown. And still I see that you would dearly love to shut me down. So I'm a soldier. We're deep in Dutch. I can't ignore it. I miss you so much. I miss you so much. I miss you so. I'm standing in a suit as ragged as is surely worth the hatred that you spat on me. The sky above me, the night so deep that I could trip and drown. And still I see that you would dearly love to shut me down. I miss you so much. I miss you so much. I miss. Alors régulièrement, Sylvain des Sokoi Fever m'envoie une petite liste de thèmes pour nos battles. Et dans la dernière liste, il y avait un thème qui me paraît intéressant, c'était « Triste mais gay ». Bah, c'est un peu ça là. Ouais, c'est ça. Ça serait pas mal dans avec dans sa voix qui est assez marquante quand même. Ouais. Bon, bah ça risque d'être une belle soirée ça. Ouais. Et donc, la date, on la rappelle, ce sera le 7 février. Vendredi 7 février. On va continuer avec un concert qui aura lieu, encore une fois, à l'Astrolab. C'est un peu le thème ce soir, vous l'aurez compris. Je reçois Mathieu Dufaux. On se visite ce très très beau premier semestre. C'est ça, c'est un semestre ? Trimestre. Ouais. Ce premier trimestre très très beau de 2020, et là le 19 mars il y aura un concert d'un groupe qui sillonne un peu les routes depuis leur premier album. Je crois qu'ils en ont fait deux, je vais peut-être dire une énorme bêtise, c'est Temples. Ouais, c'est le troisième là. C'est le troisième, voilà. Ouais. C'était, j'arrête pas de dire des bêtises. Donc la Norvège avec Michel David, ça faisait un. Là, c'est le troisième album. Et donc cet album a été élu album du mois dans Rock'n'Folk, ce qui est quand même pas mal. Et avec des critiques assez dithyrambiques sur la tournée qui est en train de se propager et qui va passer par l'Astrolab, puisque on disait qu'au début ils étaient un peu statiques et c'était pas extraordinaire sur scène, mais que là il est en train de se passer quelque chose sur scène avec cet album. Et c'est vrai que l'album est assez réjouissant. Peut-il nous parler un peu des Temples? Bah écoute, moi je les ai découvert justement, on en parlait pendant les vacances avec des amis et qui me parlaient, qui parlaient du premier album qui avait été sacrément marquant, très très très marquant dans leur parce qu'il se distinguait de pas mal de choses, il était super bien écrit, il y avait des coups de guitare qui étaient assez impressionnants. Et eux étaient plutôt partagés sur le troisième album. Moi je trouve qu'ils évoluent, c'est peut-être moins garage que le premier album, c'est peut-être plus psychédélique, ouais, planant quoi. Ouais, voilà. Mais il y a encore des morceaux qui sont des putains de morceaux quoi, ça fonctionne vraiment très très bien. Moi je les ai vus il y a très longtemps, je les ai vus un peu sur scène dans le cadre d'un festival, mais j'ai pas pris le temps de les voir en entier, donc je suis content d'entendre dire c'est la merguez, ça faut choisir, c'est ça, je suis content d'entendre dire en fait que sur scène, comme tu le dis, plus ça va, plus ça, il se passe des choses. Je suis content de les avoir, je pensais pas pouvoir les accueillir à l'Astrolabe et à Orléans, mais ouais, c'est en train de grimper un peu quoi. Bah ouais mais c'est à la fois accessible et puis c'est à la fois possible, donc tant mieux. C'est un groupe qui ça manquait un peu de groupes comme ça, un peu à certains moments à l'Astro, où on avait eu le loisir d'en avoir pas mal dans certaines périodes de la programmation qu'on a pu proposer. Et là, je maintiens. Voilà. Et là, je suis content d'avoir ce type de groupe rock pop qui a une stature sur scène, comme tu le disais, et qui va pouvoir, on va pouvoir proposer autre chose et revenir à des trucs qu'on avait déjà présentés à un moment à l'Astro. Bonne idée. Voilà. Donc, alors je dis ça, c'est compliqué parce qu'à la fois c'est pas des groupes français et qu'ils ont parfois ces groupes-là quand ils sont pas mal sollicités. Alors c'est pas des groupes qui remplissent des stades, hein, faut pas non plus exagérer. Non, Temples, non. Non. Si l'Astro est rempli, ça serait chouette, mais c'est pas gagné encore. Mais ça, Sokoi Fever, oui, mais tant pis. Voilà, c'est ça. Mais ils auraient pu croiser le fer tous les deux, par exemple. Oui. Voilà, c'est complémentaire, ils ont des influences communes en tout cas, je pense. Et donc, puisqu'on parle des salles et de la taille des salles et des groupes qui ne viennent pas forcément parce que c'est pas exactement la jauge, voilà. Ou parce que c'est parce qu'il y a deux dates resserrées ou non, pas forcément uniquement la jauge, parce que le bassin de population est pas assez grand et que parfois ils veulent faire que 4 dates en France et ils vont choisir Lyon, Nantes, Lille et puis Tourcoing. Et puis Tourcoing, il y a une très très bonne salle, hein. Attention à ça, qui attention s'appelle... ouais, non mais le Grand Mix arrive à attirer, ouais. Fait une excellente programmation depuis 10, 15, 20 ans, avec l'aéronef il se voilà. Et l'aéronef est beaucoup plus costaud, plus grande, ouais, en termes de capacité. Mais le Grand Mix a cette fidélité parce qu'il y a un bassin de population autour du Grand Mix qui est énorme. Grand Mix tout seul, à Tourcoing tout seul, je pense qu'il pourrait pas avoir ce genre de choses. Mais il y a aussi des gens derrière qui font une belle programmation. Et c'est et nous, non, par le bassin de population, c'est 240 000 habitants. Et parfois, c'est pas nous qui décidons, malheureusement. Les agents américains ou les agents anglais... eux, ils veulent 4 dates, et ils veulent 4 dates dans des grandes salles. Et ça punaise. Il y a plus de capacité, comme ça ils auront plus d'argent, et puis voilà. Hein. Voilà. C'est basique. C'est basique. Et le nouvel Astrolabe? Eh ben, le nouvel Astrolabe, on va voir, parce que vous n'avez pas... On va voter, c'est ça? On va voter au mois de mars. Ah oui, voilà. Il se trouve qu'il y avait une liste qui rassemblait, il y a, aux dernières élections, eh ben, trois personnes, Nathalie Carrien, Olivier Carré, Serge Grouard. Maintenant, ils sont trois listes. Nathalie Carrien, qui est l'ancienne adjointe à la culture, qui elle est favorable à une nouvelle salle. Olivier Carré, qui est l'actuel maire d'Orléans, c'est lui qui a remis au-dessus la pile, le dossier, l'Astrolabe, en le déplaçant de l'hôpital Porte-Madeleine au pont de l'Europe. Serge Grouard, c'est lui qui a été élu sur ce dernier mandat, qui a démissionné. Mais avant de démissionner, il avait comme argument de campagne, plein d'arguments de campagne, notamment celui de la salle de concert avec le conservatoire, et il l'a enterré parce qu'il trouvait ça, il trouvait ça que ça coûtait un peu trop cher. Donc aujourd'hui, là, il s'est exprimé sur la question parmi d'autres sujets. Il veut remettre la salle là où il l'a virée. À l'hôpital Porte-Madeleine, mais c'est là où il avait proposé, puis c'est après son élection, il a dit que ça coûtait trop cher. Parce que c'est plus cher maintenant? Non, c'est toujours le même prix, ah, c'est d'accord. Toujours le même montant, donc on va voir, attendons les élections, pour l'instant, on en est, le stade, c'est que les deux constructeurs qui ont été choisis sont en train de bosser sur le sujet, vont remettre une partie des dossiers à la ville, et après, il faut attendre les élections pour voir, quid de, du conservatoire et de la salle de l'Astrolabe. Et à titre personnel, monsieur Dufaux, vous, le pilier de l'Astrolabe, qu'aimeriez-vous? Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aimerais dans quel lieu ou dans quel zone géographique? Dans quel lieu? Bah c'est un peu la même chose, quoi. Où est-ce que tu la verrais mieux, cette nouvelle salle? Moi, aspires à une nouvelle salle. J'aspire à une nouvelle salle pour des notions fonctionnelles et des notions mais pas beaucoup plus grande vraiment que celle actuelle. Mmh. Faut faire attention parce que c'est à nous de sortir du lot, mais toutes les salles qui sont sur des jauges de 1000 voire plus, sur des bassins de population équivalents, arrivent encore à faire cette programmation qu'on fait, mais arrivent aussi à faire une autre programmation qu'on ne fait pas et qu'on est bien content de ne pas faire. Je vois. Et moi, mon travail, c'est à la fois de proposer une programmation, pas, comme je disais tout à l'heure, pas uniquement celle qui est sur ma platine vinyle, donc d'ouvrir et de choper des Angèles quand il y a l'opportunité pour ouvrir la programmation. Mais on reste dans un territoire comme Orléans, avec un bassin de population qui s'agrandit pas de jour en jour. Donc faut avoir une jauge qui soit, moi je trouve, proportionnelle à la capacité de personnes qu'on peut attirer dans ce genre de lieu. Voilà. Si j'avais un choix, je préférerais. Si t'étais maire, par exemple. L'hôpital Porte-Madeleine, mais maintenant c'est un peu trop tard, mais il y avait un enjeu, je pense, dans cet hôpital. Au-delà de faire des logements et de faire des logements universitaires et de proposer plein d'autres choses, là il y a une maison de santé qui est prévue aussi là-bas, qui est très importante. D'avoir un pôle culturel au centre-ville, associé au conservatoire de théâtre, de musique et de danse, une salle de concert. À la fois, vous avez le FRAC là-bas, vous continuez le MAI, vous avez la médiathèque, vous avez le théâtre. Bon, il y avait un enjeu sur cet axe-là. Il y avait aussi une proximité. C'est desservi par les tramways, donc c'est très très bien. Une situation qui est super belle. On domine la Loire, donc c'est plutôt chouette. Alors comme au pont de l'Europe. Et puis après, il y avait ce centre-ville-là, et comme c'est un hôpital, donc c'est quasiment une mini-ville entre guillemets. Il y avait plein de choses à imaginer là-dedans, et surtout avec un voisinage qui était loin, donc qui était pas. Et puis une salle est bien, il y a une acoustique, il y a des. Et en même temps, des étudiants sur place. Et des étudiants sur place. Alors entre-temps, c'est vrai que je crois qu'ils ont une volonté de mettre la fac, une partie de la fac de droit. Alors on ne sait pas quelles études il y aura là-bas au final, mais il y aura une volonté de mettre des étudiants aussi sur place. Ouais. D'accord. Et ce jumelage avec conservatoire, etc., si ça se fait du côté du pont de l'Europe, c'est enterré ou c'est le même principe déplacé? En fait, l'idée, c'est qu'il y aurait également le conservatoire aussi au pont de l'Europe. En fait, après, ça serait un bâtiment mitoyen avec chacun de nos activités et avec des activités communes, parce qu'il serait trop bête d'être à proximité d'un lieu de musique, de pas coopérer ensemble, en fait. Et quel que soit le lieu, si ça se fait, cette nouvelle salle, c'est à quelle échéance? Si ça se fait, c'est à 2024. Après le jumelage, il reste encore la possibilité qu'il n'y ait pas de jumelage et qu'il y ait... Donc la salle elle-même, 2024. Ouais. Si elle se fait, c'est 2024. D'accord. Voilà. Donc sous la prochaine mandature. Sous la prochaine mandature, c'est ça. Donc après, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont fait beaucoup. Olivier Carré a fait pas mal d'investissements sur ce mandat-là. On parle de la nouvelle piscine qui est à la place de la prison, du gros Comet là qui est à côté de Parc des Expos, etc. Où ils sont en train de tout dessouder et refaire. Voilà, il y a la piscine de la Source, etc. Donc après, il y a des arguments aussi où certains voudraient. Réduire la voilure. À la fois, c'est pas un projet qui date d'avant-hier. Hein. C'est un projet. Ça fait un moment qu'on en parle ensemble. Ouais. Donc nous, on serait content d'avoir une nouvelle salle, d'avoir une salle plus fonctionnelle, un peu plus grande, plus fonctionnelle à la fois pour les artistes, à la fois pour accueillir d'autres formes de musique aussi, qu'on puisse accueillir des musiques qui nécessitent des places assises et qu'on ait cette opportunité-là, qu'on puisse avoir un studio scène où les artistes peuvent travailler continuellement sans être tributaires des concerts qu'il y a à l'Astrolabe, des nouveaux locaux de répète aussi qui permettront à des artistes musiciens à l'année de répéter une salle d'interview pour On The Rocks avec jacuzzi, j'avais demandé ça et un jacuzzi et puis le massage associé à bon. C'est un dossier qui dure, comme tu disais tout à l'heure. On a le temps d'attendre encore quelques années. Hein. Bon, c'est un peu long, mais c'est excitant quand même. Ouais, c'est excitant. C'est excitant de bosser sur une nouvelle salle et de participer. Alors même si on sera pas dans la maîtrise d'œuvre, hein, parce qu'on est. Mais Fred, qui est le directeur de l'Astrolabe, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et il embarque son équipe, bien évidemment, là-bas, avec des moyens pour travailler. On l'espère aussi conséquent, c'est-à-dire qu'il suffit pas de construire une nouvelle salle. Il faut aussi donner les moyens qui seront plus les mêmes dans l'actuelle salle. C'est forcément, on va augmenter l'activité. On va avoir plus d'activités, plus de concerts, donc plus d'actions culturelles. Donc nécessité aussi d'avoir plus de moyens pour mener une activité proportionnelle à la salle, quoi, en fait. Souvent, on rencontre des salles qui ont l'ossature, l'architecture, le matériel, mais à qui on donne pas le pétrole pour vivre le reste de l'année. Quoi. Coquille vide. Notamment le confort moderne, qui est pas une coquille vide parce qu'il y a vraiment des gens intéressants et qui participent à l'histoire du confort moderne, mais qui ont des complications pour faire tourner leur salle alors qu'ils ont créé une nouvelle salle, rénové une nouvelle salle qui est très très bien. Donc ça arrive souvent qu'on crée une belle architecture, notamment si elle est au pont de l'Europe, ça va être un geste, ça, c'est l'entrée d'une ville quand même. C'est pas anodin quand même. Ouais. Donc faut pas se rater sur ce qu'on va donner et représenter, mais à la fois il faut pas se rater sur ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est vraiment essentiel, et sur les moyens qu'on donne pour faire fonctionner cette nouvelle salle. Voilà. Bon, à suivre, tu viens de nous en parler ici. Ouais, avec plaisir. Et je pense que pour l'occasion, quelqu'un qui pourrait aussi vous en parler plus globalement, et ça serait l'occasion de le revoir à ses micros, ça c'est Fred Robb qui bosse sur ce projet, lui, vraiment depuis pas mal de temps. C'est vraiment lui qui est derrière le projet de la salle, des études, etc. Voilà, et qui serait à même de vous en parler plus globalement que moi, qui connais mieux le dossier en fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est un gars un peu timide. Souvenez-vous, au début de cette conversation, il y avait Temples. Là, ça sera dans la salle actuelle de l'Astrolabe, et ça sera très bien dans la grande salle. Ouais. Et ce sera le 19 mars. Voici Your Eyes on Something, tiré du dernier album, et c'est ce qu'on peut appeler un son. Exchanging place with trees. me fait penser, la voix me fait penser à, je sais pas si tu te souviens de ce groupe-là, Bewitched of Your Top. Oui, of, ah oui, of oui, my oui head. Tout à fait, exactement. Les deux chanteurs, là, Benjamin bien, ouais. Et puis l'autre dont je me souviens plus du prénom, pardon. Et ouais, il y avait ces voix-là, là, ces belles harmonies de voix. Hein. Non seulement je m'en souviens, mais vous pouvez retrouver l'interview sur ontherocks.net dans les archives, hein, émission spéciale, il y a toujours l'interview des Bewitched. Ouais, ouais, ouais, je garde tout en ligne. Et c'était un grand moment ce concert, là. C'était vraiment super bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Très bien. C'est pareil, hein, maintenant, mais. Ouais, c'est pareil. Il y en a un qui fait des choses tout seul, puisqu'on l'a vu en première partie. Avec des ailes. Comment il s'appelle ce groupe que j'ai fait des années 80, tu vas m'aider, que t'as. Merde. Vache. J'y étais en plus. Hein. Bah oui, mais oui. Tu te rappelles, il était en Teenage Fan Club. Merci. C'est l'âge. C'est l'âge. Excusez-moi, le pont de l'Europe, monsieur. Si vous êtes le programmateur, ça va être bien dans 4 ans. Et ouais, et lui, il a sa formule en solo, et puis ça, voilà, il continue. Tandis que Benjamin, l'autre compositeur, lui, il fait de la photo, il fait de la synchro, mais il a arrêté la musique en groupe. Bon, en tout cas, c'était vraiment très bien tout ouais, ça. C'est bien. Temple, ça va être très bien aussi. Ce sera le 19 mars, et si je ne m'abuse, le lendemain, alors que la sueur de Temple maculera encore la scène de l'Astrolabe, eh bien, il y aura quelqu'un qui, lui, est déjà venu. Mais alors là, c'est quand même un habitué. Il a son ronde-serviette à l'Astrolabe, c'est Baz. Ouais, alors ça fait quand même quelques temps qu'il n'était pas venu. Je crois qu'on a loupé quelques albums, mais on n'en avait pas loupé avant. Début, au début, on le faisait. Ouais, on l'a fait plein de fois. Il se trouve qu'en plus il y avait une asso qui était d'Orléans et dont l'un des membres a été son manager à un moment. Donc voilà. Et puis c'est très bien parce que en l'occurrence ça joue bien. Baz, c'est des mélodies imparables. Un style imparable qui n'appartient qu'à lui. Ouais. À la fois son jeu de clavier qui est voilà, il pourra pas s'en voilà. Et puis ses compositions c'est et texte, sa voix. Ses textes. Les textes de Baz ressemblent aux textes de Baz. Voilà. Le dernier album, il parle pas mal de femmes, notamment dans ce souvent. Et voilà, on en parlait avec Clément en revenant d'un festival. Il dit donc qu'en fait l'album parle que de femmes, voilà. Mmh, mais il en parle bien. Il en parle très bien. Il en parle très bien. Et cet album-là, c'est marrant parce que je me faisais encore la réflexion en l'écoutant. Il y a quand même encore des mélodies imparables où t'as l'impression de à chaque album, il arrive à tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas de. Alors, je ne les connais pas tous par cœur, mais j'ai rarement vu des albums qui étaient plats de base, en fait, quoi. Il y a toujours 4-5 morceaux formidables, ouais, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Alors, la dernière fois qu'il est passé. La dernière fois que je l'ai vu à l'Astrolabe, il est peut-être passé après. J'avais trouvé ça très bien, mais j'avais trouvé ça un peu long. C'est-à-dire qu'il était tout seul au clavier, et ça avait été un peu long. C'était un concert qui aurait mérité d'être resserré un petit peu. Ouais. Mais en tout cas, alors si vous ne connaissez pas Baz, on va se passer un morceau. Je suis pas sûr qu'il soit du dernier album celui-là, mais je l'aime bien. C'est le morceau Love Burger. Je sais pas, je pense pas non. Non, je crois que c'est un vieux morceau, mais moi j'aime bien. Et puis même chose que pour les Teenage Fan Club dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'interview que Baz nous avait accordée pour On The Rocks, enfin m'avait accordée. Je dis nous, mais j'étais tout seul. C'était il y a quelques années, toujours dans l'onglet ontherocks.net, onglet émission spéciale. Vous déroulez, il y a plein d'artistes. Ouais, j'en ai écouté quelques-unes, mais pas toutes. Et voilà, donc et donc voici donc Baz, et qui de mieux que Baz pour présenter Baz on the rocks, Camille on the roll, Baz Camille on the rock and roll. Je t'ai fait de l'amour à manger avec les doigts. Je t'ai fait de l'amour à manger quand il fait froid. Je t'ai pris de la vie à manger à tout prix. Oh, oh, oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Je t'ai préparé de l'envie, les doigts collés sous ton collant. Je t'ai préparé de l'envie, à croquer tout le temps. Je t'ai pris de la nuit, à briller sans répit. Oh, oh, oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. We'll be right back. ma vie. Des graines et du sable blanc. J'y ai mis toute ma vie. De la sueur et puis du sang. J'ai t'ai fait de l'amour. À manger avec les doigts. À manger avec les doigts. Je t'ai fait de l'amour à manger avec les doigts, qui d'autre que Basse-Basse pourrait écrire des paroles pareilles. Terriblement actuel mais délicieusement kitsch, Basse-Basse. C'est un peu un mélange de tout ça. Ouais, ça groove énormément. Là, il sera pas en solo pour le coup. Il sera en trio, donc ça groove quand il est en trio et il est souvent accompagné par des très, très bons musiciens, certains qu'on a pu croiser avec Winston McAnuff ou d'autres. La fin d'album de duo avec lui d'ailleurs. Ou avec des gens comme le chanteur de Java ou l'accordoniste de Java, c'est des gens qui sont très proches, tout ce monde-là. Et à un moment, ils ont croisé le fer sur des albums en commun, sur des compos en commun. Et ils sont toujours accompagnés, il y a une espèce de ce groove-là, sur le morceau-là qu'on vient d'écouter notamment, qui est présent. Dub un peu, ça 60s, swing un peu 60s, ouais, ça swing aussi, c'est chouette, moi j'aime et bien. Et n'oubliez pas d'où vient ce monsieur venait d'un des groupes à mon avis les plus formidables de l'époque du rock indépendant de la fin des années 80. Il faisait partie du groupe Les Satellites, qui était quand même un groupe qui à la fois était très drôle sur scène mais jouait formidablement bien aussi. Il était clavier chez Les Satellites, donc c'est formateur quand même. Ouais je regardais une image de Au Quart de Tour, qui est un gros festival qui a commencé à cette époque-là où j'étais étudiant à Tours. Voilà, et bien avant même, puisqu'en 80 tu n'étais pas étudiant à Tours, je pense. Non. Et Les Satellites y jouaient déjà. On va sortir un petit peu de la programmation de l'Astrolabe pour avoir le plaisir d'y replonger aussitôt après. Je vais vous proposer deux morceaux maintenant tirés de deux albums. Vous savez que la dernière émission d'On the Rocks, et vous ne le savez peut-être pas, et là c'est pas bien, avant les vacances de Noël, était consacrée, alors je fais pas des classements hiérarchiques comme tu le disais tout à l'heure, mais je visite les meilleurs moments de l'année 2019 de façon très subjective. Et puis évidemment je passe à côté d'albums vraiment formidables que soit je découvre après, soit j'ai oublié. Là j'ai plutôt découvert après, ou voilà, les vacances étaient déjà là. On va commencer avec un des deux albums, puisqu'ils ont sorti deux albums en 2019, du groupe Big Sif, qui est vraiment un groupe assez formidable avec une chanteuse à la voix très très charismatique. Les deux albums sont vraiment très bien. On va se passer le morceau Note, qui circule un petit peu sur certaines radios, qui commence par France et qui se termine par Inter, mais vraiment très très très très bon album de Big Sif. Je sais pas si tu connais ça. Si, j'ai vu en concert à This Is Not a Love Song, et je vous recommande. Là, il y a un concert à Paris qui est annoncé, mais qui vient d'être complet, là. D'accord. Ouais. Et ça, c'est chopable à l'Astrolabe? Je sais pas si ça l'est encore maintenant, là. Si à l'Astrolabe, peut-être. Moi, j'avais l'intention à un moment, il était question, mais j'ai réagi un peu trop tard, sur un pop-up, mais la presse, non, j'ai pas réagi pour trop tard, c'est qu'elle était pas disponible à ce moment-là, sur la précédente édition. Maintenant, je sais pas si, vu qu'elle remplit le Trabendo, je crois, à Paris. Elle joue au Grand Mix, justement, à Tourcoing. Mmh. Voyons comment ça se passe en dehors de la ville parisienne, parce que c'est pas toujours ça passe pas toujours la même façon. Mais j'aimerais bien, en tout cas, accueillir son groupe. Ça tient la route sur scène. Ah oui. Ah, c'est super beau. Ah bah alors c'est super beau sur album, et super beau sur scène. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. On se rejoint là-dessus, je vous conseille vraiment le dernier album. C'est un extrait de ce dernier album qu'on va se passer dans The Rocks. Et puis juste après, un album assez sympa de Jonathan Something. Alors c'est pas à la hauteur de Big Sif, mais il y a des morceaux très très bien, en particulier ce One Dad qu'on enchaînera avec celui de Big Sif. Et puis juste après, nous replongerons dans la petite précision, tu parlais des Satellites. J'étais pas d'accord, mais je voulais vérifier, c'est le Cri de la Bouche. Il n'a pas fait partie des satellites. Non. Il a été organisé dans le Cri de la Mouche, qui est un groupe de ces, de oui, la même génération. Je me souviens, ouais. Cri de la Mouche, qui est un bon groupe aussi. Pas non, les satellites. Non. Je viens de vérifier là sur sa page et. Alors là, j'étais persuadé. Alors peut-être qu'il m'a trompé parce qu'il porte souvent un t-shirt les satellites. En tout cas, ils étaient proches. Hein. Mais j'étais persuadé. Ouais. Voilà. Donc c'est la soirée des bêtises. Une bonne reprise. Merci Mathieu de me rectifier. Donc voilà. Et ben, il aurait pu faire partie des satellites. Bah, il aurait pu de toute manière. Le mec n'a jamais tort. Voici donc Big Sif avec Note. On the rocks. The blanket of thirst. It's not the hunger revealing, nor the ricochet in the cave, nor the hand that is healing, nor the nameless grave. It's not the room, not beginning, not the crowd, not winning, not the planning, not spinning. seventh day. Even God had had to take a break. He said, oh lordy, lordy, ain't it getting late? I could sure go for a whiskey straight. When I'm finished with the dirty deed, I think I'll move up to Albany. Sell the rich kids expensive weed and take my luck to Tennessee. Maybe start me a cattle ranch. Find a young wife in a good horse hand. I got an eye for the cowboy stuff. Fuck a savior, I don't had enough. Then one day's phone would buzz. It'd be Adam, his android son, saying, Papa, I could use some help. I think we opened up the gates of hell. And Eve, his golden girl, wearing a leaf over her virgin pearl, says I couldn't help but eat that fruit. It was half off, now what would Jesus do? Oh, holy shit, you two, what have you done? You're gonna screw the pooch for everyone. Now every being for eternity will be fucked, or else be fucked by me. Last I heard, they had a couple sons. The farming brother killed the other one. Just what the hell is with this family? You couldn't find this on late night TV. Well, I thought Noah was a decent dude until his boy had found him drunk and nude. So Noah cursed him and he cast him out. He messed it all up for another round. And so God, he put a sandal down and divvied up the boys from every town. You can't play at all if you can't play nice, and threw away your only set of dice. For God, I really do. His only good son loved a prostitute. And when I'm pissed off all the Roman boys, they read him raggy like a child's toy. I'm sure God just wants to be alone, watching Sopranos or the Game of Thrones. But I can't help but feel a little bad. So I got him this mug, this is number one, Dad. Dans The Rock, c'était à l'instant Jonathan Something tiré de son dernier album avec Wanda. Je trouve que ça chaloupe délicieusement. Et puis juste avant, c'était Big Sif avec Note, peut-être un jour à l'Astrolabe. J'espère. Bah oui, moi aussi. Nous sommes toujours dans The Rock, donc 96.2 Radio Arc-en-Ciel sur le site onthe-rocks.net. Nous sommes également à Blois sur ZEF en rediffusion le jeudi soir. Et ce soir, nous visitons le premier trimestre 2020 de l'Astrolabe avec des bien belles choses. Et en particulier, un concert qui aura lieu le 12 février avec une dame qui sort un album qui est magnifique ces jours-ci et qui, figurez-vous, il y a quelques années, était assise ici, à ses micros, dans les studios. Elle n'avait pas chanté parce qu'elle était un peu crevée, mais elle était venue, elle avait fait toute l'émission, elle avait coprogrammé. C'est Emily Jane White. Ah, yes. Oui, elle était là, ici même, où tu étais assis. Quand elle était venue dans quel cadre? Alors, à l'astro, à l'atelier. Alors, je crois que c'était dans... je crois que c'était à l'atelier, je crois qu'elle avait fait une sorte de showcase au Leclerc de d'Olivet ou je sais pas où de la Non, ça devait être à l'Astro alors. Ah, c'était à l'Astro ? Ouais. D'accord. Et donc elle était venue après son showcase, elle était venue ici dans les studios faire l'émission en direct avec moi. Le soir ? Le soir. Donc ça veut dire qu'elle était venue la veille d'un concert ou un truc comme je ça ? Je crois qu'elle était là, elle était là la veille, je crois. Ah, OK, d'accord. Ou le lendemain. Mais non, la veille sûrement. Ouais. Et voilà, donc ça avait été un grand moment, assez disponible, assez réservé, mais à la fois là, bien présente. Et le dernier album d'Emily Jane White est une merveille. Ah ouais, vraiment. Bon, je suis content de la retrouver. On l'a accueilli deux ou trois fois. On ne sait plus. Je sais qu'il y a eu un grand moment à l'atelier où là, ils étaient avec 4-5 violoncelle, basse, batterie, elle, guitare. Et ça a été somptueux. On a passé une très très bonne soirée avant, pendant, après avec eux. C'était des gens admirables, super gentils. Je ne sais pas s'il allait avec le même line-up cette année, avec le même musicien, pardon. On l'avait accueilli aussi dans la grande salle. Et puis une troisième fois peut-être, je ne sais plus si on l'a fait deux fois l'Astrolabe, une fois. Mais ça fait partie des artistes quand on faisait à l'atelier, qui avait toujours un bar, mais dont les propriétaires ont changé. Parfois, ça nous arrivait de faire ces groupes-là une première fois à l'Astrolabe, et parce qu'ils avaient une opportunité sur un lundi, un dimanche, plutôt que de rien faire, ils rejouaient à l'atelier. Ils venaient rejouer à Orléans, et qui plus est, une première fois à l'atelier. Ah, des bons moments. Hein. Et moi, j'ai vraiment passé des bons moments avec Gérard et Caroline, qui étaient propriétaires de ce lieu-là. Parce qu'on a pu y faire des belles choses là-dedans, et dans un cadre particulier, ça change de la salle de concert. Il y a rien à dire, vraiment. Et voilà. Et là, elle est chez Talitre Records. Talitre Records, c'est un label bordelais qui a signé un des premiers albums de The National. Rappelons-le quand même, Motorama. Cherchons un mauvais disque chez Talitre. Ouais, il y en a pas beaucoup. Non, pas beaucoup. C'est Sean, qui est un Français derrière ça, qui est assez discret, mais qui ça fait 15-20 ans qu'il est derrière ce label. Moi, je vous recommande d'aller fouiner dans ce label-là. Il y a vraiment des très très très belles choses anglaises, francophones également. Il est attentif à pas mal de choses. Et moi, c'est grâce à ce label-là que j'ai découvert certains artistes, et non l'inverse. C'est pas les artistes qui m'ont fait découvrir. Voilà. Et on est en connexion régulièrement. Il dit, tiens Mathieu, j'ai découvert ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi je le verrais bien dans tel concert ou au festival au pop-up. Et trois fois sur quatre, il se trompe rarement, quoi. Et il a vraiment, moi je le suis à 150%. Un peu à l'instar de Fargo Records à une époque, dans style, voilà. Ouais, dans un autre style, mais voilà. Et puis il y en a plein d'autres, hein, des labels. Là, je parle de trucs qui sont plutôt rock, qui sont plutôt pop, folk, voilà. Je vais pas parler des labels de death metal dans cette émission, mais voilà. Et Tindersticks, Emily Jane White, c'est une voix avant tout, et puis des compositions qui sont magnifiques, quoi. Alors le dernier album est très cohérent, en même temps très éclectique. Je vous le conseille vraiment. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et puis vous pouvez réécouter. L'émission est en ligne encore toujours. Une émission spéciale quand elle était venue là dans les studios. C'est il y a combien de temps? J'ai un peu le défaut de perdre totalement la notion du temps. Ouais, pareil. Donc je ne sais pas. Mais il y a longtemps. Non, mais ça serait l'occasion de la refaire la mettre en haut de la pile pour qu'on puisse la diffuser. Ça se trouve, elle avait encore des choses. Mais tout à fait. Bon, c'est chronologique, hein, sur mon site. Donc faut aller fouiller. Mais j'aime bien les gens qui vont fouiller aussi un peu dans la page 8, 9, 10. Et, ah ouais, il y a eu ça qui sont, j'aime bien ça. Donc, Emily Jane White avec le morceau Dew. Ça me faisait penser, tu me parlais de l'atelier. Il y a quelqu'un que tu m'as fait découvrir à l'atelier et qui fait partie maintenant d'un de mes artistes préférés. Lui, il est en haut de la pile de mes CD. Et que j'aimerais vraiment revoir un jour. Peut-être chez toi. Enfin, chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Liv Volbeck. Ah ouais. Et ça, c'est un très bon moment. Et les deux derniers albums de Liv Volbeck sont à tomber par terre. Il a une sorte d'épure. Il a atteint une sorte d'épure et de maîtrise dans ce qu'il fait, qui est extraordinaire. Sur le dernier album, on l'a pas vu en France. Je comprends pas. C'est un ami qui sort. L'avant-dernier, peut-être? Parce que le dernier vient juste de sortir, là. Alors, quand tu dis dernier, il est sorti quand? Le dernier, il a dû sortir il y a 2-3 mois. Et l'avant-dernier, c'était il y a 2-3 ans. Je pense que même l'avant-dernier. L'avant-dernier, il n'est pas venu. Hein. L'avant-dernier, il n'est pas venu. Non. Et je comprends pas qu'il y ait. Alors moi, c'était un ami qui s'en occupait au Canada un moment, et puis maintenant ça a dû changer de crèmerie là-bas. Et il n'y a pas de visibilité, ouais. Dommage. Ouais, je vais me renseigner parce que moi j'ai des bons souvenirs. Je me demande s'il n'était pas intervenu aussi. En plus, on l'avait fait en concert, mais on l'avait fait sur un ciné-concert, c'est-à-dire que avec le festival de films de Vendôme qui n'existe plus, associé au Rocomotive, le qui festival existe. Qui existe depuis 3 décennies, et l'Astro, on s'associait pour choisir un film. C'était plus la proposition du festival de films de Vendôme. Il y avait un programmateur qui est maintenant qui s'occupe de Travelling à Rennes, qui est un excellent festival de films également. Et avec Richard, on choisissait des groupes. Et la création se faisait à l'Astro parce que Richard avait pas de salle. Et après, ça jouait à l'Astro. Et puis, et lui, il avait joué sur un film assez improbable, un polar qui était super bien. Alors, soyez curieux, si vous me connaissez, alors si vous écoutez On The Rocks, vous connaissez Liv Volbeck parce que je vous bassine depuis les 2 derniers albums qu'on s'est quasiment visité en intégralité. Si vous ne le connaissez pas, allez fouiner Liv Volbeck. Alors tous les albums sont bons, mais les 2 derniers sont vraiment fantastiques. Et si je l'ai déjà dit à ce micro, mais j'ai entendu Stéphane Eicher qui était invité l'autre jour de l'émission De Cône sur France Inter, qui a dit qu'il s'est pris une claque monumentale en écoutant l'album précédent, donc celui il y a quelques, allez peut-être 2 ans, et que après il a eu une grande période où il n'arrivait plus rien à composer tellement il était sous l'influence et qu'il avait l'impression de vouloir faire que du Liv Volbeck. Et donc son rêve c'était de le rencontrer. Excellent. Voilà, donc il l'a mis un peu en lumière par là, et vraiment pour l'avoir interviewé grâce à toi, hein, puisque tu l'avais programmé, c'est un type absolument adorable, francophone de Montréal. Ouais. Et ses 2 derniers albums, voilà, au début il était comparé à Jeff Buckley un petit peu au niveau de la voix, il y avait quelques petites choses. Là il s'en éloigne vraiment, c'est une épure fantastique. Écoutez les 2 derniers albums de Liv Volbeck, écoutez le dernier album d'Emily Jane White, et écoutez également l'album de Shannon Wright qui vient de sortir un album piano-voix. Alors, si vous êtes un peu dépressif, morceau par morceau, tranquille, hein, faut y aller par petite dose. Mais c'est un album absolument magnifique également, sous la grande influence d'Eric Satie, piano-voix avec des silences, des moments suspendus. J'ai eu la chance de rencontrer ces 3 artistes et qui sont des artistes majeurs. Donc, merci On The Rocks pour ça. Emily Jane White ici dans les studios et Shannon Wright qui est mon souvenir d'interview la plus émouvante, puisque très belle rencontre, très belle interview, et à la fin, elle et moi, on se rend compte que l'appareil enregistreur n'a absolument pas fonctionné et ne fonctionnera plus. Donc c'est mon interview fantôme à moi. Oh. On s'est regardé. Elle était navrée, moi aussi. C'était une belle interview que je ne pourrais pas vous raconter parce que la mémoire me fait défaut, mais c'était un très beau moment qui n'aura aucune trace. Voici Emily Jane White donc avec le morceau Due, qui se rapproche peut-être un petit peu sur ce morceau d'Agnès Obel, que j'aime beaucoup également. Voici donc, mais il y a des morceaux plus rentrent dans l'art sur le dernier Emily Jane White, et juste après le morceau Fragments de Shannon Wright. C'est pas le moment de faire du pogo dans On The Rocks. Watch the wind make the roses bend. Does X truly mark the end? You say thorns scratch your face. In blood and scar you can erase. Poison drop the same as dew in the morning. I held the wings of a dove as you held me like hand in glove. Flickering the world, it burns for you in holy fright, as many try to save you. You say thorns scratch your face. In blood and scar you cannot erase. I guess that X truly marks the end. I watch the wind make the roses. roses bend. I hail the wings of a dove as you and me like hand in glove. Shannon Wright, tiré de son dernier album avec Fragments. Et juste avant, c'était Emily Jane White qui, avec le morceau Dew, sera en concert le 12 février. Ce sera à l'Astrolabe. Elle sera en concert le soir pour les grands et l'après-midi pour un goûter pour les grands et les petits. Ouais, c'est ça. Ça tombe un jour où les grands peuvent se mobiliser. Et c'est pendant... Alors, je me demande si c'est pas pendant la période des vacances. Toi qui connais bien les vacances scolaires, peux-tu me confirmer ça ou pas? Alors, je ne peux pas te confirmer ça. Je n'en sais rien. Oui, ça ressemble un peu aux vacances, ça. Ça ressemble un peu aux vacances, dit-il. Oh là là, mais alors je ne serai peut-être pas là non plus. Le 12 février. J'espère que c'est pas pendant les vacances. Voilà. Bah les vacances, c'est bah, tu oui. peux prendre des vacances effectivement, et qui plus est pas à Orléans. Oui, voilà, si c'est tu ça. As le droit. Voilà. J'étais en train de rechercher là. Elle est venue la première fois en fait. Alors je ne vois pas la première fois. Elle est venue le 18 novembre 2010 à l'Astrolabe. Donc ça devait être ça. Ça devait être ça, le moment où elle est venue dans l'émission. Ouais, et parce que j'ai croisé une Astro Unplug que mettait en œuvre notre ami Benoît. Oui, il faisait jouer les artistes avec juste leur guitare ouais. ou leur piano, voilà. Et je rechercherai le moment où elle est venue à l'atelier, voilà. C'est parce que c'était, ça va être rigolo de la revoir en tout cas, parce que c'est une nana que j'ai, avec qui j'ai pas forcément correspondu, mais avec qui c'est, avec qui j'ai bien échangé. C'est une nana super sympa, quoi. Ouais, voilà. Ouais, et puis vraiment une musique, vraiment le dernier album, là, on sent qu'elle est, elle est arrivée à une sorte de maturité. C'est l'album de la maturité? Ouais, alors, tu vois, c'est marrant que tu passes Shannon Wright, c'est un peu, bon, c'est pas marrant, c'est que cette femme aussi, Shannon Wright, qui fait de la musique depuis 15-20 ans, je pense, qui est toujours aussi exceptionnelle. Qui est toujours géniale. Voilà. Je pense que Emily Jane White, elle est en train de suivre le même chemin, en fait. C'est quoi. Ça. Ouais. C'est ouais. Ça. Alors, en tout cas, ça va faire partie des grands, grands moments de l'Astrolabe. Il y aura aussi, pour le jeune public, il y aura le dernier spectacle de Lady Like Lily. Ouais. Qui est venue d'abord en chantant en anglais, ensuite elle est venue en chantant en français, et puis maintenant elle fait aussi ce spectacle pour les enfants, voilà, qui a été complet très très vite pour les écoles. J'aurais bien aimé venir avec mes Gremlins là, et hop, ah, ça va vite, hein, il y avait du monde. Il faudra en faire plusieurs pour satisfaire toutes les sollicitations. Il y en a eu un de rajouté, hein. Et oui, Julie me disait qu'il y avait eu une autre date qui a été rajoutée là pour la Lily, et paf, complet. Tant pis, mais en tout cas ça va être un alors bon elle moment. Va faire ça, elle va exposer aussi, c'est bien parti, au Musée des Beaux-Arts, justement, les peintures et les dessins qu'elle a réalisés dans le cadre de son spectacle. Ça, c'est en lien avec les gens qui s'occupent de l'action culturelle, de la relation avec le public. Elle va faire dans une petite salle d'expo qui sert également au Musée des Beaux-Arts, où les enfants peuvent recevoir l'initiation à la peinture, à des courants, etc. Donc voilà, on va faire une expo dans ce cadre-là. Et puis, elle vient présenter son spectacle complet, puisqu'on l'avait accueilli au FRAC, mais sans les projections, avec des petits dessins, mais voilà, juste un petit goûter-concert dans le FRAC. Là, elle vient. C'est le total, là. Et ouais, et c'est elle qui l'a mis en œuvre, ce spectacle qu'elle avait. Elle avait pensé un moment à associer Marion de Mesparo, ouais. Et puis ça s'est pas fait. Et puis elle tourne énormément. Derrière le son, c'est son amie qui fait aussi qui est la mise en son, etc., qui fait la technique et tout. C'est une belle histoire, je trouve. Oriane, elle a depuis pareil une dizaine d'années, elle suit son petit bonhomme de chemin, elle se débrouille. Aussi, une belle personne. Ouais, autonome, autodidacte et puis autoproduit souvent à sortir ses albums ou ses maxi il y a très longtemps. Et qu'elle vendait à des milliers de parce que c'était bien, quoi. Parce que c'était bien, ouais. Tout simplement. Ouais. Et elle arrivait à tourner toute seule. Elle avait pas forcément des gros environnements comme d'autres artistes peuvent en avoir. Et elle a déménagé. Elle est plus à Rennes. Elle est basée sur Paris, maintenant, ou en banlieue, je sais plus. Et voilà, elle avec ce spectacle-là, ça fait je sais pas un an qu'elle tourne, ou à peine un an. Ça marche bien. Ouais. Ça marche bien. Ouais. Et un souvenir ému de Lady Like Lily sur une gabarre sur la Loire avec Benoît. À l'époque, on avait filmé ça. Elle avait enregistré un morceau live. Alors la prise de son était un peu roots, donc elle avait repris chez elle le morceau. Elle avait regardé les images et elle avait repris le même morceau chez elle avec pour le coller sur les images. Donc c'était un peu triché pour que vraiment on y croit. Elle avait mis des bruits d'eau, de clapotis derrière. Elle nous avait renvoyé ça. J'avais trouvé ça assez génial et c'était un très très beau moment que vous pouvez retrouver sur le site On The Rocks. Ça va bientôt être fini. Alors le 12 février, c'est la semaine juste avant les vacances et on est en vacances le vendredi 14 février. Alors le 12 février, c'est quel jour? C'est Emily Jane White. Alors je crois que c'est le mercredi. Ouais, c'est un mercredi. Donc c'est les enfants, ils travaillent pas. Voilà, c'est ça. Bah oui, puisqu'il y a le goûter dans l'après-midi. Voilà. Non, mais forcément. Et donc on m'a dit, tu as la mémoire courte. Effectivement, juste avant l'émission, j'en ai parlé avec ma chère étante en disant, ouf, j'espère que c'est pas pendant les. Et je me souvenais déjà plus. Donc vous dire que je me fous de Mathieu Dufault qui se souvient plus de grand chose, mais moi la nouvelle salle, je sais pas si je la verrai. Je sais pas si j'avais également. Parce que ça a peut-être transmis à l'EHPAD. C'est ça. Il reste 2 minutes. On va se passer un petit morceau de Bobby, artiste que tu m'as fait découvrir aussi en première partie de G.S. Andara. Ah oui. Et c'était un beau moment avec une très très belle voix. Mais avant, est-ce qu'il y a un concert dont on n'a pas parlé et tu aimerais un concert qui va te plaire et qui va me plaire également, c'est Les Nuits d'Alligator, qui sont une proposition de un journaliste et deux programmateurs, un journaliste indépendant qui Stéphane Deschamps, programmateur du 106 à Rouen et le programmateur de la Maroquinerie à Paris, qui s'associent depuis une quinzaine d'années, c'est la 15e édition, pour nous proposer des plateaux autour du rock, du blues, de la folk, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est Kelly Finnegan, une très belle voix de la soul que je viens de que j'ai découvert, hein, je ne connaissais pas. Oui. Et là, je vous invite à poser vos oreilles. Il y a des KEXP, c'est-à-dire des sessions live très très bonnes. Ces sessions, de toute manière, trahissent pas. Et en l'occurrence, il y a 3-4 morceaux. Il a une voix, mais à tomber par terre. Derrière, ça joue très très bien. Et en première partie, c'est un Bernard Adamus. C'est un Canadien francophone qui fait du folk blues, que j'ai vu en trio, en quatuor, en quintette quand je vais dans des festivals là-bas. Kelly Finnegan, ça c'est pour le côté soul de Manu Bourdier. J'ai déjà un côté soul qui est pas spectaculaire, mais j'ai un côté soul. Et voilà, voilà le dernier concert. Après il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps, et vous découvrirez ça sur le site de l'Astrolabe. Ouais, tout est sur le site. Donc très très. Alors là, ça va être dur de faire aussi bien, voire mieux au prochain trimestre, mon cher Mathieu. La barre est haute là. En plus, le trimestre, même s'il a 3 mois, il décompose. Il y a Egamin qui nous prend beaucoup de temps, donc on fera beaucoup moins de concerts déjà. Ça prend du temps, les gosses. Ouais, les gosses, faut les jeter dans la volaille. Non, pardon, faut les. Mathieu Dufaux. Non, mais ça nous prend du temps à organiser, à mettre en œuvre, à exploiter et puis à arranger. Et donc on fait. Puis c'est une période moins propice aux concerts, puisqu'il y a les vacances d'avril aussi, il y a le printemps de Bourges. Donc on fera pas aussi bien en termes de quantité. Donc il y aura peut-être deux concerts. Il y aura deux concerts et gamins et les satellites. Les satellites, concerts de 25. Ils tournent encore, je crois. Ils retournent un peu là. Ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais pas tous, mais ouais. Il y en a. Il y a les. Moi, je suis pas. Il y a forcément Polo, le chanteur. Ouais, ils sont. Il y a JP Nataf. Non, pas JP Nataf. Comment il s'appelle? JP Nataf, c'est Les Innocents. Non, alors Les Innocents retournent aussi. Oui. Pardon. Je sais plus. Ouais, ils sont quelques-uns. Ouais. Bon, c'est l'heure de la soupe. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, nous finissons l'émission avec Bobby, donc qui est tiré de son EP. Alors, vous fiez pas la pochette, qui est très très moche. On dirait, une sorte de Beyoncé. De banlieue, mais l'album et le EP est très beau, et surtout aller la voir sur scène, guitare-voix, c'est assez bluffant. Ouais, c'est bien. C'est une petite nana, entre les morceaux, elle parle, on voit qu'elle a l'âge qu'elle a, et qu'elle vient d'où elle vient, et quand elle chante, elle a pas le même âge, et elle vient pas du même endroit. je me comprends, c'est pas très clair. Je vous retrouve la semaine prochaine dans On The Rocks, pour une émission quasiment composée uniquement de nouveautés de groupes obscurs. Donc voilà, si vous aimez les nouveautés, les groupes obscurs et les trucs bien en même temps, c'est la semaine prochaine dans On The Rocks. C'est toujours un plaisir, monsieur Dufaux, ouais, de vous avoir à ces pareil, micros. C'est bien chouette. Eh bien, rendez-vous pour le prochain trimestre et pour annoncer les deux concerts du prochain trimestre de l'Astrolabe. Voici donc Bobby, et je vous laisse avec Rémi et l'arrêt d'arc du sport. Ciao, à la semaine prochaine. Salut, merci. I gave it all to you. You made my home burn down. I made it warm for you. You must find yours, this home is mine. The sun is crawling out. Stars and mine apart. Loneliness fade through the night as I rest and time goes by. 'Cause you and I apart, our days are gone. I gave up on you. Seasons and years went down. Every path leads to you. Sure of this now, my home is ours. The sun is coming back. as we rest in this new town. 'Cause you and I, we found our way back home. Loneliness fades through the night as we rest in this new town. 'Cause you and I, we found our way back home. Gone. This dust my head in. Is it a one-way street with you? Just a dead end. How it is like to leave a peaceful dream to get to love someone without a running through your veins, feel the pain inside long. The future is a crystal stone. Is it a one-way street with you? Just a dead end. Is it a one-way street with you? Just a dead end. Give up on what we have. Haven't had the strength to say goodbye. Yet I know it's kind of late now to make our song last for a long, long time. How it is like to live a peaceful to love someone without pain. Running through your veins, feel the ache inside gone. And the future as a crystal stone. Is it a one-way street with you? Just a